Bonjour mesdames et messieurs. Je souhaite tout d'abord remercier Mathieu pour cette introduction. J'adresse également un remerciement amical à Raphaël Masson pour avoir rendu possible ce colloque, ainsi qu'à Monsieur Vincent Marotteau pour l'historiographie qu'il vient de nous présenter. Et je désire ici compléter en évoquant plus en profondeur la littérature sur Marly publiée en langue anglaise et allemande. Parce que ces travaux n'ont pas encore été traduits, je vais vous faire une synthèse succincte de l'objet de leur recherche, explicitée par quelques exemples quand cela est utile, et terminer chaque résumé en me focalisant sur ce qui m'a mené à mon propre analyse. Si je ne mentionne pas toujours la littérature française sur le sujet, cela ne signifie pas pour autant qu'elle est absente de mes recherches. 30 années de recherche sont publiées en anglais et en allemand et restent à débattre. Bertrand Gestas est le seul jusqu'à maintenant à établir en 2008 une critique argumentée des quelques points développés par la recherche hors de France. L'enjeu est clair. La communication sur le château de Marly devrait réunir une communauté multilingue et pluridisciplinaire afin d'aborder les sujets qui feront avancer la recherche et qui répondront à la curiosité contemporaine. Bien que le château de Marly n'existe plus, il faut cependant reconnaître son rayonnement et historiquement celui de la France dans le monde. Regarder Marly à travers ce reflet dans les monuments qu'il a influencés pour restituer visuellement la source d'inspiration originale. Ceci trouverait résonance dans une communication internationale basée sur une collaboration entre les résidences au-delà du réseau des châteaux royaux européens. Pourquoi le titre « Pourquoi Marly ?» Cette forme interrogative correspond, me semble-t-il, à une manière contemporaine dans notre culture d'aborder des monuments. En tant qu'historien d'art, il faut reconnaître que les termes intention et influence, qui sont si faciles à employer pour expliquer pourquoi un monument est apparu, tiennent généralement plus de la spéculation que de la vérité scientifique démontrée. Pourtant, après avoir traversé quelquefois à pied la route entre Versailles, Marly et Saint-Germain, je commençais à me demander pourquoi la littérature considère Marly comme une œuvre singulière et isolée. Ma propre interprétation du monument prend son origine dans la conception étendue née au XVIIIe siècle des Gesamtwerk, englobant les interconnexions entre parties de l'œuvre afin de créer une totalité et d'établir un dynamisme spatial. La littérature que je choisis de vous présenter a compris, selon moi, les liaisons au sein de l'ensemble du monument. Fort de ces analyses, je compte vous exposer mon interprétation selon laquelle cet ensemble s'étend au-delà de lui-même, ou plus exactement, à créer un supplément de sens qui s'articule avec l'extérieur à son périmètre. Marly a été inclus d'une façon décisive dans un ensemble dynastique, ce qui ajoute, selon moi, à la compréhension pourquoi Marly a été construit. Ma présentation est volontairement limitée à 5 auteurs qui me semblent former une bonne base de lecture et je les présenterai au fur et à mesure. Le premier est feu le professeur docteur Gerold Weber, historien de l'art à l'Université de Vienne, qui publiait en 1975 un article dans une édition spéciale de la revue annuelle d'histoire de l'art de Vienne. Le professeur Weber développe l'hypothèse selon laquelle le jardin des Marly représente le changement de style entre le classicisme français du XVIIe siècle et la Régence et le Rococo. Le professeur Weber choisit de se focaliser sur le jardin pour délimiter son sujet, sachant que l'architecture des Marly sera traitée par Dr. Claudia Hartmann. Son point de départ est l'année 1709, quand Antoine-Joseph Dacier d'Argenville publie son traité de le jardinage, la théorie de la pratique du jardinage, qui introduit des nouveautés dans la façon de concevoir les jardins. Le professeur Weber a identifié les éléments des nouveautés chez le naturaliste, se distinguant du style de le nôtre principalement, et cherche à comprendre à quel moment ces éléments apparaissent à Marly. Le nouveau penchant est de faire céder l'art à la nature, bien sûr dans le cadre d'un jardin à la française. À Marly, ce credo se concrétise par la configuration de la décoration et des terrassements. Il n'y a plus ni parterre des broderies, ni haies paravent, comme à Versailles. Les murs qui soutiennent les différents niveaux des terrassements sont soustraits à la vue par des talus recouverts de gazon. Le professeur Weber plonge ainsi dans une analyse formelle dans des plans successifs, depuis les phases de conception jusqu'à la construction entre 1669 et 1686. Il s'interroge sur l'influence italienne pour la conception des jardins et reste étonné par les conglomérats d'éléments déjà connus dans de nombreux jardins français du XVIe siècle. Ils sont ici amplifiés et surtout réunis pour la première fois dans les jardins des Marly. Sur la question des concepteurs des Marly, après avoir discuté la chronologie entre le voyage de Lenôtre en Italie et la mise en œuvre du chantier à Marly, il émet des observations formelles sur la complexité des chemins. Sur la complexité des chemins rayonnantes depuis deux points opposés, situés au-delà des bosquets de Levant, côté Louveciennes, et du Couchant, côté Marly, et se croissant sur l'axe porteur nord-sud. Le professeur Weber affirme que ces chemins et terrassements créés dans les tissus du jardin créent une grande place qui procède d'une pensée d'architecte, celle des mansards, qui, à partir de 1681 et jusqu'à sa mort, est le seul à diriger les travaux ou réaménagements. Il observe surtout que le nom et des bosquets sont tous inspirés de la répartition d'un plan architectural entre salles, cabinets, salons et autres appartements de verdure. Cette terminologie marque la volonté de créer une continuité entre l'architecture minérale et une architecture végétale, conception déjà développée par Alberti. On observe une plus forte ouverture, par exemple sur la grande terrasse où les haies sont plutôt des banquettes rythmées par des marronniers en tige, rehaussant la transparence sur la terrasse. L'alignement entre les ouvertures du pavillon royal et les salons de verdure facilite la cohérence d'ensemble, l'intérieur étant finement lié à l'extérieur. Enfin, les deux bosquets côté Levant et côté Couchant semblent être conçus comme des unités que des salons en enfilade traversent, de part en part. Le spectateur en mouvement perçoit la richesse des effets optiques engendrés par l'élévation. Et donc ici, je vais vous démontrer, on va faire une zoom sur le bosquet des Parnasse. Voilà, vous le retrouvez. Il est à votre gauche, donc là, et maintenant l'élévation. Voilà. Donc vous voyez comment les avenues sont cachées de vue, et on voit comment les muses situées autour sont visibles, même en hauteur. Mis à part ces explications stylistiques sur l'importance des Marly dans le développement des dessins du jardin, c'est également dans son évaluation de la littérature et des monographies sur Marly que les écrits du professeur Weber sont indispensables. Avec une dignité toute académique et un profond respect pour pour les tonalités d'esprit revêtues par les recherches dans les décennies précédentes, il remarque, grâce à la discussion instituée par Ingrid Dennerlin, que Versailles avait été le lieu dans les années 1660 de l'expression du favoritisme royal, qui se développera par la suite Marly. Marly remplace dans leur rôle Versa et Trianon, ce qui explique une forme et un style évolutif poussé par les deux chantiers synchrones entre Marly et Versailles. Avant 1682, la cour résidait à Saint-Germain-en-Laye et Versailles attissait la convoitise. Le système d'invitation, la sélection des invités et le phénomène du favoritisme royal se perfectionnent pendant le règne de Louis XIV. Marly devient un catalyseur pour dynamiser la pression sociale à la cour de Versailles. Sa thèse, publiée en 1980, a été le premier travail scientifique des recensements chronologiques afin d'établir l'histoire et la provenance de l'ensemble de la statuaire Marly. Les buts centraux de Dr. Rosasco étaient, en premier lieu, d'établir une vue globale et exacte de la totalité des statues et leur chronologie afin de construire une base précise pour ces observations. Ensuite, de cataloguer les influences italiennes sur l'iconographie du classicisme français en suivant les publications romaines, vénitiennes et florentines qui évoquent l'iconographie de l'Antiquité et de la Renaissance. En analysant les sujets évoqués dans la statuaire Marly, il en ressort que l'iconographie royale française est plutôt hétérogène. Il n'existe pas un sujet unique vers lequel convergeait toute la statuaire. Sur ce point, le classicisme français semble se différencier du baroque romain, qui cherchait à créer une unité iconographique. La chronologie établie par le Dr. Rosasco est divisée en périodes correspondant aux différentes surintendants des bâtiments du roi. Le Dr. Rosasco examine le volume d'œuvres et le débit des dépenses des commandes sous chaque administrateur et observe ainsi le développement de l'iconographie royale. Le centre d'intérêt sont tout d'abord liés à une iconographie ovide apollonienne cosmologique qui cède la place à une mise en scène du roi et des grands moments de son règne. Cette iconographie s'éteint progressivement et vers la fin du règne, une autre préoccupation, plus introvertie, semble-t-il, se mêle aux autres, celle d'un monarque et son destin divin universel. L'objet principal de la recherche du Dr. Rosasco est bien la statuaire, mais avec un intérêt également pour les jardins pour lesquels les œuvres ont été conçues. Avec cette considération esthétique qu'elle établit comme architecturale. Le Dr. Rosasco retrace le choix architecturaux dans le but de toujours rechercher l'auteur. Elle évoque donc la discussion sur le rôle de Mansart comme architecte et surintendant dans la mesure où les commandes les plus importantes furent réalisées sous l'égide de son administration. Pour illustrer avec une légère vue d'ensemble, suivant là, sur l'axe principal nord-sud, aussi connu comme l'axe d'eau, des 800 mètres de long, aboutissant à la grande nappe à l'extrémité nord du jardin. Donc c'est cette terrasse, créée pour rehausser le vallon à son point le plus bas et aligner la partie nord avec le reste du jardin, et pour éviter que la vue ne bute sur le mur de clôture des 4 mètres de hauteur, offrait une vue surplombante hors du parc. Cette vue est cruciale pour l'ensemble des statuaires conçus pour la grande nappe. À Marly, la statuaire conçue en rhombos était placée dans les endroits grands ouverts sur l'axe d'eau. Les deux séquestres monumentales sont intéressants pour leur réalisation rapide et leur qualité artistique. Vous le voyez là-bas. On voit, et voilà, donc vous voyez la coloration entre les deux, voilà, corrélation. On voit comme le Pégase portant Mercure à votre droite. Ce cabre, au lieu de sauter comme Pégase, avec la renommée à gauche. L'intérêt est dans la juxtaposition entre une énergie accumulée et une énergie dissipée. Ce sont des indicateurs des regards, en quelque sorte. L'une dirige le regard, l'autre l'arrête. Face à face, leur composition se complète par une ligne qui se croise entre les deux statues pour former une sorte de flèche dirigée vers l'extérieur du parc. La composition des mercures semble d'ailleurs étrange. Un dieu ailé qui chevauche en Amazone. Il n'existe pas de précédent. Ceci permet à l'artiste de renforcer les lignes directionnelles horizontales par ses jambes et bras et souligne également un axe vertical tendu entre le bouclier penché sur le trophée et l'étoile en relief mise sur la viscère de son casque. C'est cette mise en scène monumentale d'un mouvement qui mène le regard hors du parc qui est central pour l'analyse de Dr. Osasco. Le thème du Pégase, redoublé ici de manière originale, évoque les Dioscures Capitulins et Quirinal à Rome. Où il enfonce son sabot dans la terre, Pégase fait jaillir l'eau, faisant ainsi référence à l'abondance des sources naturelles qui, encore aujourd'hui, peuplent les pentes du vallon des Marly. Le niveau sur lequel l'iconographie à Marly s'établit n'est guère pastoral, on est dans une logique des mythes acadiens, un lieu où se ressourcent les dieux en chassant. Marly est élevé au statut des locus classicaux du roi, ou origine de l'abondance qui rejaillit sur son royaume. Le bouclier est porteur d'un relief allégorique, relatant le moment où le duc d'Anjou est nommé roi d'Espagne. L'étoile, ou la lumière prodigieuse, est une façon de Mercure de se présenter à Énée, selon Vergile, à l'instant dramatique où Jupiter lui révèle sa volonté de le faire fondateur d'un empire sans limite, ni dans l'espace, ni le temps. Le message des deux groupes n'est donc pas seulement les attributs du pouvoir personnel du roi pour appeler à la guerre ou restaurer la paix, mais aussi une signification directe sur l'extension dynastique en dressant un parallèle avec la dynastie julienne. La question qui demeure, me semble-t-il, chez Dr. Osasco, est de savoir pourquoi Louis XIV a décidé d'une telle manifestation dynastique hautement politique, précisément à cet endroit-là, dans la partie septentrionale du Jardin des Marly. Le Dr. Claudia Hartmann a publié en 1995 sa thèse de doctorat sur l'architecture des châteaux de Marly. En établissant une chronologie entre les premiers plans des Marly, elle suit le développement et la succession des projets qui marquent l'histoire de la construction du château, depuis l'atelier des Lebrun jusqu'à ces étapes de destruction sous Napoléon. Les points de repère décisifs pour la création et l'embellissement sont la paix des Nimègues en 1678, qui coïncide avec la conception des Marly comme revendication triomphale militaire, et plus tard la paix des Rijswijk en 1697, qui est une défaite mais qui fournit l'occasion de réaffirmer le pouvoir royal en focalisant sur la paix voulue et cultivée par le roi. Tous les aspects centraux permettant de comprendre l'originalité des Marly sont évoqués. Elle développe une analyse comparative détaillée sur le motif architectural, la structure et la décoration en soulignant toujours le côté éphémère et théâtral italien. Elle mène une discussion centrale sur la Carthouse ou Chartreuse ou maison de plaisance et la transition vers le château, profondément ancrée dans la conception française du monarque, visible et proche de ce sujet. D'un côté, Marly ne peut pas être un ermitage, car une telle fonction est inconcevable pour un roi absolu. Il ne peut pas se soustraire du rappelement du regard public. Marly n'est pas non plus un relais de chasse, mais un château, sans adhérer néanmoins à une structure traditionnelle, où le jardin est en complément décoratif. À Marly, c'est l'inverse. L'architecture est devenue un élément décoratif pour le jardin. Hartmann discute la séquence traditionnelle pour un château qui a une cour d'accès suivie d'un jardin. Et Marly, à Marly, la séquence est inversée, le jardin-château-jardin, qui rappelle les casinos et villas italiens. Ce qui constitue la nouveauté chez Hartmann, c'est qu'elle se tourne en toute simplicité vers la comparaison, la plus proche et la plus étonnante. Versailles, en tant que ville et château, elle reconnaît la jonction structurelle entre le château et les hôtels-pavillons adjacents. C'est sans la façon avec laquelle la hiérarchie s'inscrit dans la forme et la fonction des deux châteaux qui sont décisifs pour Hartmann. Les pavillons des ministres de Versailles sont répétés dans les motifs à Marly. Elle voit donc une explication pour l'originalité du plan de Marly dans le château de Versailles. Un autre monument qu'elle compare avec Marly est le Mont Valérien à Suresnes, structure sacrale où le bâtiment central est consacré à Dieu et la communauté des moines installée autour. À Versailles, la même logique et la même structure architecturale sont d'ailleurs employées pour définir l'endroit du roi, inscrit dans le tissu urbain entouré de ses sujets. Hartmann rejette une comparaison littérale avec Serlio, source d'inspiration pour les plans centralisés, ou avec Palladio, qui avait conçu un type de villa cube. En observant que les marqueurs sont trop éclectiques pour vraiment distinguer si l'un ou l'autre a été inspiration principale, elle aboutit à cette conclusion. C'est d'un conglomérat d'éléments et motifs d'une villa italienne propre à communiquer visuellement les valeurs d'un roi absolu, mais également les idéaux d'un prince humaniste qui se trouve réuni pour créer Marly. Elle se penche également sur les inconvénients d'importer en France le modèle des villas en plan central, conçu pour un climat méditerranéen. À Marly, d'épouvantables courants d'air, froides et humides dans ce vallon, s'engouffrent dans les vestibules et rend le salon octogonal inhabitable. Malgré toutes ces conditions qui détériorent le bâtiment et qui exigent une maintenance constante, l'emplacement et le motif sont maintenus, coûte que coûte, pour l'unique raison que le motif du pavillon répond à la magnificence et la grandeur des mises. Personnellement, c'est cette décision surprenante de garder et même augmenter l'importance des Marly, identifiée par Hartmann, qui m'intéresse. Le philologue classique Dr. Walter Schrenner publie en 1989 son livre sur la machine des Marly. Il s'agit d'une analyse philosophique de l'histoire des idées. Son maître mot est « Bedeutungswandel », qui se traduit en « développement du sens », et non « Stilwandel », « développement du style » comme chez Weber. Il commence par une vue d'ensemble sur les odes latines et françaises en hommage au roi à Marly. À travers cette optique littéraire, Dr. Schrenner souhaite démontrer la joie du XVIIIe siècle et son goût pour un langage resplendissant et ornemental. Le style employé est alors celui de la tragédie classique, suffisamment soutenu pour exprimer un registre épique. Sous ce langage ornemental, sous le voile de l'Antiquité, la machine est appropriée par l'univers du monde baroque français. Pas du tout comme étrangère ou intruse dans la nature, mais elle devient, au contraire, l'occasion de rendre la nature plus resplendissante encore. La machine, simple appareil, malgré son côté ingénierie technique, demeure un mécanisme perçu comme appartenant à la nature. Dr. Schrenner mène l'argument plus avant, en utilisant une métaphore pour comprendre à quel point la machine a contribué à rehausser le sentiment baroque. D'artifice, la machine se métamorphose et s'insère dans la nature, car elle en amplifie la splendeur, comme une perle qui se détache des parois des nacres, ajoute des strates d'irisation et perfectionne ainsi la nature. Grâce à l'eau soulevée par la machine, le château et les jardins se transforment en accessoires théâtraux pour créer un véritable décor. Parfait cadre du mythe acadien pour le roi héros. Le but des Dr. Schreiner est de comprendre la motivation du XVIIIe siècle, en contraste avec notre façon de concevoir aujourd'hui la technologie contemporaine. Cette juxtaposition qui parcourt son livre rend le texte indispensable. La machine n'est pas perçue comme une avancée technique pour l'humanité, mais comme simple instrument, mécanisme des coulisses, qui soulève l'eau pour qu'elle couronne l'expression du Marly arcadien. Récapitulons-nous les mots-clés pour l'analyse. L'observation frappante chez Weber n'est pas seulement de décrire le moment du changement de style, mais dans sa manière de comprendre le classicisme français, et joue sur une inertie et un dynamisme dans l'espace entre les éléments constitutifs, le mouvement du spectateur et le changement de perspective visuelle induit étant toujours pris en compte. Le docteur Osasco identifie une iconographie royale d'ensemble et ses sources diverses qui convergent vers un récit épique virgilien et l'apothéose d'un destin dynastique. La composition de l'œuvre qu'est Marly et les thèmes de son iconographie orientent les regards vers le nord, au-delà du parc, vers Saint-Germain-en-Laye. La comparaison détaillée avec Versailles menée par le Dr. Hartmann confirme l'originalité de Marly, dans un contexte de développement d'un style français en propre, nourri d'une panoplie d'influences diverses puisées dans les villas italiennes, symboliquement chargées des valeurs princières, au centre même de la conception de Marly. L'idéal princier est ainsi réaffirmé malgré l'inadaptation d'un plan central transalpin au climat francilien. Dr. Schreiner établit qu'au XVIIIe siècle, le langage ornemental représente une façon de concevoir la nature et que la machine de Marly ne vaut aucunement par ses qualités intrinsèques, mais par les qualités qu'elle confère au parc de Marly et ainsi au roi. La sociologue américaine professeure Chandra Mukherjee de l'Université de Californie est l'auteur du livre « Les ambitions territoriales et les jardins de Versailles » publié en 1997, dans lequel elle décrit le bouleversement apporté par Louis XIV au système économique français amenant des changements d'importance dans la vie quotidienne du peuple et dans les relations entre le roi et la noblesse. En imposant une administration royale dans les territoires, dont les principaux rouages sont désormais tenus par une bourgeoisie talentueuse qui rend compte direct au surintendant auprès du roi, il prive la noblesse de sa base féodale tout en contrôlant son administration. Ces fonctionnaires, aussi brillants que soient, des Colbert ou Louvois, ne peuvent prétendre s'arroger le droit divin du roi. La question fondamentale est celle de la légitimité du roi face à la noblesse pour imposer cette réorganisation vers une règne personnelle. L'empreinte du roi sur tous ses territoires est alors conçue matériellement. Comment créer des jardins ou des infrastructures par le royaume. La logique royale doit être rendue évidente dans les grands bâtiments officiels et à travers les chemins des routes de France. L'image de l'État prend des atours naturels dans la vie quotidienne et le contrôle du territoire, extension politique de la création divine, fait office de légitimité. Le professeur Mukherjee considère que la présence symbolique royale dans les territoires français a pour source unique le château de Versailles. Afin de bien comprendre le rôle de Versailles, il faut, à mon sens, élargir son idée et inclure les trois châteaux, créant un axe qui établit une historicité du roi. Saint-Germain-en-Laye, où il est né, assure la continuité avec les dynasties précédentes et solidifie l'ancrage au passé. À Versailles, construit par son père, le roi conserve dans la cour des marbres une réminiscence du simple relais des chasses paternelles afin de l'utiliser comme décor théâtral permettant de chaque spectacle de mettre en scène l'évidence de l'héritage légitime. Enfin, à mi-chemin entre les deux, Marly, premier château que le roi fait sortir des terres où il assume son héritage. On peut d'ailleurs rapprocher cela d'un exemple plus parisien. Louis XIV fait ériger pendant la première partie de son règne sur le Pont-Neuf la statue équestre de Henri IV devant l'entrée de la place Dauphine construite par François Ier et avec la façade est du Louvre, toute juste construite, en arrière-plan, créant ainsi un axe historique dans le centre de Paris, reliant les monuments liés à la lignée royale qui avait instauré l'absolutisme en France. Le professeur Mukherjee a compris l'effort des centralisations associées à l'absolutisme et comment Versailles renvoie à une ambition territoriale. Mais elle n'intègre pas les autoréférences et récits personnels visibles au cœur même de Versailles où le roi réaffirme sa filiation. Ma conclusion finale est en prolongation du travail des professeurs Mukherjee. Versailles ne représente pas que Versailles et renvoie à une structure territoriale du pouvoir royal, mais fait sans référence par une axe soigneusement construite à la personne du roi et à son historicité au sein d'un lignée le légitimant. Marly, en complément et non en opposition à Versailles, accroît la légitimité du roi vis-à-vis de la haute noblesse française. Marly renforce donc l'efficacité de la pression sociale sur l'élite à Versailles, qui intrigue continuellement pour être couchée sur la fameuse liste tenue par le premier valet Bontemps et corrigée par le roi lui-même. L'exclusivité de Marly provoque la convoitise absolue et toute occupée à obtenir le privilège d'être nommée pour Marly, la noblesse n'a plus le temps de s'opposer à l'autorité du roi. La légitimation est le mobile central de la création de Marly. Elle se fait par l'inscription au moment de son apothéose triomphale dans le territoire d'un axe tangible avec les lieux des origines dynastiques. Ceci passe d'abord par une infrastructure visible dans la séquence des moments monumentaux et les mouvements entre eux. Patte d'oie spectaculaire et théâtrale à la porte Saint-Antoine, mais aussi en contrebas de la Grande Nappe. C'est aussi dans le cadre architectural empli de références aux valeurs princières, souligné par un programme sculptural monumental qui chante les louanges dynastiques, guidant le regard du visiteur vers Saint-Germain, que je trouve les repères qui me mènent à cette conclusion. Un axe a été créé afin de communiquer à un lieu du roi où une logique dynastique règne. Un axe bourbon, pour ainsi dire, instauré par Louis XIV dans la géographie. Un axe royal tout à fait cohérent avec l'objectif d'affirmer son droit et de garantir son règne. Sur la base de cette analyse, on perçoit tous les sens qu'aurait la constitution auprès de l'UNESCO d'un dossier des candidatures à l'inscription au patrimoine mondial, non pas seulement de Versailles ou Saint-Germain-en-Laye isolément comme actuellement, mais de l'axe royal qu'il constitue avec Marly. L'axe royal est, dans la perspective de la Révolution française, un axe brisé. Et pourtant, la mise en valeur de cet axe pourrait créer les conditions d'un dynamique et rassemblement et des coopérations entre les établissements publics si proches géographiquement. Elle permettait de renforcer la visibilité des sites peu visités, malgré leur intérêt historique évident. Enfin, elle aurait tout son sens maintenant, à l'aube de l'avènement d'un grand Paris qui, à mon avis, gagnerait à avoir plus d'égards pour la conservation du patrimoine et la communication culturelle. Je gage que les contributions des chercheurs si pressants, et j'espère la mienne, fourniront une excellente base pour un tel travail s'il était décidé de se lancer dans une telle aventure.